I want to talk about faith. Je désire parler à propos de la foi. Why faith? Pourquoi la foi? And for me, this is a very important platform. Et pour moi, c'est une plateforme très importante. To engage with you. D'engager avec vous. So this is a very important platform for the Holy Spirit as I speak to you. Alors c'est une plateforme très importante de que le Saint-Esprit va vous dire. To use this word to pierce your hearts and transform your hearts. D'utiliser cette parole pour percer votre cœur et transformer votre cœur. And position you and to connect you with the voice of the Lord. Et vous positionner et vous connecter avec la voix du Seigneur. Yes, that you may now also propel yourself. Alors vous pouvez aussi vous propulser vous-même. But all through I've been longing to talk about faith. Alors tout au long, j'ai aspiré vous parler à propos de la foi. Why? Pourquoi? Because I found out. Parce que j'ai trouvé that among the things, among the elements, que parmi les choses, parmi les éléments that are critical in the Christian walk, qui sont critiques dans la marche chrétienne, faith is key. La foi est la clé. Absolutely key. Une clé absolue. The Lord allowed me to see that faith was champion. Le Seigneur m'a permis de voir que la foi est championne. Was very key. C'est une clé importante. And that's why I thought I can begin a series on faith. Alors c'est pourquoi je pense que je peux commencer une série sur la foi. So we can begin this dialogue on faith. Alors on peut commencer sur la foi. This discourse on faith. Ce discours sur la foi. And in the process the Lord is going to explore and open up and unveil much about faith. Et dans le procédé que le Seigneur va explorer et ouvrir et beaucoup dévoiler à propos de la foi, alors vous allez commencer à voir, comme je commence à marcher sur ce chemin, alors vous allez commencer à voir la genèse de la carence dans l'Église. You see the bearing of faith. Vous voyez la position de la foi onto the church. Dans l'Église. How faith can make or break the church. Comment la foi peut construire ou casser l'Église. Depending on whether you have it or not. Dépendant du fait que vous l'ayez ou pas. Or whether it grows or dwindles, whatever, we're going to handle that here. Soit que ça croisse, soit que ça diminue. Quoi que ce soit, nous allons prendre ça en main aujourd'hui. The role of faith in the church. Le rôle de la foi dans l'Église. I thought this was very basic, important teaching. J'ai pensé que c'était un enseignement très basique et important. Back to basics, that when the church catches, then she can catch her bearing back to the Lord. Alors quand l'Église le prend, elle peut prendre sa position de nouveau devant le Seigneur. Now, while talking about faith, maintenant, parce que parlant à propos de la foi, there is no better place to begin, il n'y a pas de meilleure place pour commencer, except to begin with Abraham. Sauf de commencer avec Abraham. Again, encore, I'm saying, je suis en train de dire that while talking about faith, quand je parle à propos de la foi, no place from which to this journey, il n'y a pas de meilleure place pour commencer cette journée, except to begin with Abraham. Sauf de commencer avec Abraham. Why? Pourquoi? Why begin with Abraham, precious people? Pourquoi commencer avec Abraham, précieux peuple? I'm going to read a scripture. Je vais commencer à lire une écriture that you may understand why, pour que vous puissiez comprendre pourquoi we would prefer to start from Abraham. Nous préférerions commencer avec Abraham as we talk about faith. Alors que nous parlons à propos de la foi. Alléluia. Alléluia. Turn with me to the book of Genesis, chapter 15. Tournez avec moi au livre de Genèse, chapitre 15. Genesis, chapter 15. Genèse, chapitre 15. And I am going to read, et je vais commencer à lire, from amplified version of the Bible, de la version amplifiée de la Bible, purposefully, intentionnellement, that we may open up certain very important aspects of this discussion, pour que vous puissiez comprendre certains aspects de cette discussion. Genesis chapter 15, Genèse chapitre 15, verse 6, Le verset 6. I'm reading from Amplified. Je lis de la version amplifiée. Listen to what he says. Écoutez ce qu'il dit. Amplified. He says, and he, Abraham, et lui, Abraham, believed in, croyait en, trusted in, se confiait en, relied on, s'appuyait sur, remained steadfast to, demeurait fermement, the Lord, dans le Seigneur. And he says, et il dit, again, encore, and he, Abraham, et lui, Abraham, believed in, croyait en, if I were you making the notes, I would write, believe in. Si j'étais vous, je mettrais une note là-dessus. Crois en. Or believed in. Ou croyait en. Trusted in. Se confiait en. Relied on. S'appuyait sur. Remained steadfast to. Tenait fermement. The Lord. Dans le Seigneur. And he counted it to him. Et cela lui fut imputé. He, the Lord. Lui, le Seigneur. He, the Lord, counted it to him. Et lui, le Seigneur, le lui comptait as righteousness, comme de la justice, right standing with God. Se tenir fermement dans le Seigneur. I want to begin from there. Je vais recommencer de là. Alléluia. Alléluia. Why did I begin from Abraham? Pourquoi est-ce qu'on commence par Abraham? Because the Lord, the God of heaven, parce que le Seigneur, le Dieu du ciel, when it came to faith, quand il s'est agi de la foi, he decreed, il a décrété by his infinite wisdom in heaven, par son infinie sagesse dans le ciel, he declared, il a déclaré that behold, que voici, because of the act of Abraham, à cause des œuvres d'Abraham, he is now the father of faith of all humanity. Il est maintenant le père de la foi de tout être humain. Did you understand me? Vous me comprenez? Let me go back here. Laissez-moi revenir là. I began from Abraham. J'ai commencé par Abraham. Because God Almighty declared. Parce que le Dieu Tout-Puissant déclare. When he looked at the interaction. Quand il regarde aux interactions. That he had with Abraham. Qu'il a eu avec Abraham. Then he said, behold, you are now the father of faith. Alors il a dit, maintenant, tu es le père de la foi to all human beings. De tout être humain. And that's why the Bible celebrates Abraham as the father of faith. C'est pourquoi la Bible célèbre Abraham comme le père de la foi. But when we see, mais quand nous voyons the conduct, the demeanor, the behavior, la conduite, le fonctionnement of Abraham that earned him, d'Abraham qui lui a fait gagner that title, that crowning as the father of human faith. Ce titre, ce couronnement en tant que père de la foi humaine. Then therein we find the definition of faith. Et là-dedans, vous allez trouver la définition de la foi. Because you see, now the Lord defining faith. Parce que, vous voyez, maintenant, le Seigneur définit la foi. So if you ask me today to define faith, alors, si vous me demandez aujourd'hui de définir la foi, I would just find it from the Bible. Je désire juste la trouver de la Bible. I would say, je dirais, based on what Abraham did, à la base, ce que Abraham a fait to earn him the name, the title, pour gagner le nom, le titre, the exaltation as the father of faith, l'exaltation de père de la foi, then faith is, number one, que la foi est, premièrement, believing God, croire Dieu. That's it. C'est ça. Believing God. Croire Dieu. Again, faith then becomes, encore, la foi ensuite devient believing God, croire Dieu. But what I'm saying is so big, precious people. Mais ce que j'ai dit est si grand, précieux peuple. I say, if there is any definition of faith that I would begin with. J'ai dit, s'il y a quelque définition de la foi avec laquelle je vais commencer. As we begin the journey. Comme nous commençons la journée. To define faith. Pour définir la foi. Then I say, faith, where I have faith in my God, I have faith in the Lord, that means I believe God. Alors, ça signifie foi. J'ai foi en mon Dieu. Je crois mon Dieu. Je crois Dieu. Believing him. Le croire. Believing God. Croire Dieu. That is the basic definition of faith I can give you from the Bible. C'est la définition de base que je peux vous donner de la Bible. In fact, that's where it began. Enfin, de cette manière qu'il commence. But I can read other things from what I just said. Mais je peux lire d'autres choses à propos de ce que je viens de dire. That believing God. Que croire Dieu. When somebody says to you, look. Quand quelqu'un te dit, regarde. I believe Bishop Dr. Njoro. Je crois le Bishop Dr. Njoro. That means. Ça signifie. Again, I've just said it. Encore, j'ai juste dit ça. That means you have faith in him. Vous avez foi en lui. But having faith. Mais avoir foi. In Bishop Dr. Njoro. Au Bishop Dr. Njoro. Also means. Signifie aussi. I take him for his word. Je le prends au mot. I can take him for his word. Je peux croire ce qu'il dit. He says it. I don't need a collateral. Je n'ai pas besoin d'un parallèle. Il dit ceci. I don't need to hold on to surety. Je n'ai pas besoin de m'accrocher pour m'assurer de ceci. Collateral. Parallèle. To be sure that you know this, what he says is right. D'être sûr que vous savez ce qu'il dit est vrai. When he says, I take him for his word. Ce qu'il dit, je le prends au mot. So when you say that faith. Alors, quand vous dites que la foi, the Christian faith, la foi chrétienne, faith in the body of Christ, la foi dans le corps de Christ, is believing God, c'est croire Dieu. Then that means you take God for his word. Ça veut dire que vous prenez Dieu au mot. Period, nothing else. Assez, rien d'autre. You don't need a proof of any collateral. Let me hold on to this when it's fulfilled. Vous n'avez pas besoin d'une preuve d'aucun parallèle. Laissez-moi prendre cela en main quand c'est accompli. Or let me hold on to this. You see that? Ou laissez-moi prendre ça en main. Vous voyez ça? Alléluia. Alléluia. But in this same scripture. Mais dans cette même écriture. Other definitions. D'autres définitions. Other definitions are true. D'autres définitions sont vraies. Because believing him, he said, verse 6. Parce que croire en lui, il dit, le verset 6. He said, and he, Abraham, il dit, et lui, Abraham, believed in, he believed in, croyait en, il croyait en, believed God, believed in God, croyait Dieu, croyait en Dieu, believed in the Lord, croyait dans le Seigneur, he believed in, il croyait en, trusted in. Il se confiait en lui. That means faith implies trusting. Ça signifie que la foi implique la confiance. You can now see where we're headed with the church. Vous pouvez maintenant voir où nous nous dirigeons avec l'Église. You will very soon see the current fall in the church. Vous allez voir la carence qui a fait tomber l'Église. And the genesis of it. Et la genèse de ceci. Where it all began. Où tout a commencé. Why it fell. Pourquoi ça s'est écroulé. Alléluia. Alléluia. Step by step. Pas à pas. So he's now telling us here. Alors, maintenant il nous dit ici. That having faith in the Lord means trusting the Lord. Que avoir foi en Dieu, ça signifie se confier en lui. Lui faire confiance. I trust the Lord. Je fais confiance au Seigneur. You see where things went wrong. Vous allez voir où les choses allaient mal. Furthermore, he goes on to give me more and more, unveiling for me. Et encore, il me donne de plus en plus. Il dévoile pour moi. And I'm reading from Amplified. He's like, et je vous apporte de la version amplifiée. Il dit, believing God, trusting in God. Croire Dieu, lui faire confiance. And it goes on further to say, this is what he says. And he says, relying on God. Ça va plus loin, disant, et il dit, s'appuyer sur Dieu. Oh! I've said three big words. J'ai dit trois grands mots. That actually, that cushion faith. Qui actuellement cautionne la foi. That denote faith. Qui dénote la foi. That when you touch, they feel, you can feel the texture of faith. Que quand vous touchez, ils peuvent sentir la texture de la foi. From those three words. De ces trois mots. Have faith, believe, believe in God. Avoir foi, croire, croire en Dieu. That is faith. C'est la foi. And have faith, that means trust in God. Et parfois, ça signifie faire confiance à Dieu. And I've also said, relying on God. Et j'ai aussi dit s'appuyer sur Dieu. When you rely on somebody, that means that is the only person it matters. Quand vous vous appuyez sur quelqu'un, ça signifie c'est la seule personne dont vous dépendez. I relied on him. Je m'appuyais sur lui. I relied on this person. Je m'appuyais sur cette personne. That means I had no other options. I surrendered everything else, all the other options. I relied on this. Ça signifie je n'avais pas d'autres options. Je renonçais à toute autre chose, toutes les autres options, je m'appuyais sur ceci. I depended on him. Je dépends de lui. Are you seeing where the problem in the church came about? Vous voyez d'où vient le problème dans les églises? That means faith. Ça signifie la foi. Is such an important foundation of Christianity. Est une très importante fondation du christianisme. Of salvation. À propos du salut. To the extent that faith actually is what molds us and propels us. Au point que la foi actuellement est ce qui nous moule et nous propulse. To number one, to now look at God as believable. Au numéro un, de maintenant voir Dieu comme digne d'être cru. Digne de confiance. Trustable. Qui est digne de confiance. Dependable. Qui dépend. Reliable. Fiable. Oh, I think there is a problem in the church. Je pense qu'il y a un problème dans l'église. Based on just this basic definition. Basé juste sur cette définition basique. I hear the undertones, you know. J'entends les autres nuances, vous savez. I hear the undertones of where the problem is. J'entends les nuances de là où est le problème. You see that? Why the apostasy entered the church? Pourquoi l'apostasie dans l'église? Because if I understood it right. Parce que si j'ai bien compris ceci. Relying on. Se confier en. That's totally surrender to waiting on this one. C'est totalement se livrer, s'attendre à celui-là. There's no other. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. And right away, et juste après, as I move down to the next one, you can almost see the enemies of faith. Quand je vais plus loin, vous pouvez presque voir les ennemis de la foi. You can see them trying to shoot through. Vous pouvez les voir essayer de s'élever. Disbelief. Cette croyance. But you see very clearly, que vous voyez très clairement. Just based on the basic biblical definition of faith. Juste basé sur la définition biblique basique de la foi. You can already see where the faulting is. Vous pouvez déjà voir où est la faille. You can already check the fault lines. You see where the fault lines are. Vous pouvez déjà vérifier la ligne de faille. Vous voyez où les lignes de faille sont. Split. Divisé. And separated the church from the mainstream. The blood. Séparer l'église du courant dominant, le sang. But in continuing, mais en continuant, I see more unveiling. Je vois mieux et c'est encore mieux dévoilé. About faith. À propos de la foi. I've not begun anything. I just want us to understand. Je n'ai rien commencé. Je désire juste comprendre. What is faith? Qu'est-ce que c'est la foi? What is faith? Qu'est-ce que la foi? And if it's so important, et si c'est tellement important, how is our faith? We're going to come there. Comment est notre foi? Nous allons venir là. In fact, you will see a lot about faith. En fait, vous allez voir beaucoup à propos de la foi. You'll hear him say things like, daughter, your faith has healed you. So we're really going very far. Vous allez l'entendre dire des choses comme, fille, ta foi t'a guéri. Nous sommes maintenant en train d'aller très loin. But just still in the definition, you already see a lot of things coming through. Mais maintenant, encore dans la définition, vous voyez beaucoup de choses qui viennent là à travers. You see that, wow, so we ought to have believed God. Vous voyez ça, nous devons tous croire Dieu. To believe God means whatever he says, finish, I believe it. Croire Dieu signifie, c'est quand je dis, c'est fini. Je le crois. There's nothing else. Il n'y a rien d'autre. We all to have trusted God. Nous devons tous faire confiance à Dieu. Oh, if we trusted 100%, we'll not be here. Alors si nous le croyons 100%, nous ne serions pas là. You see all that coming through now. Vous voyez tout ce qu'on peut en tirer maintenant? We all to have relied on. Nous devons nous être appuyés sur. The church today has relied on another. L'Église aujourd'hui s'est appuyée sur les autres. Relied on otherwise. Un autre appui. Relied on else. Appuyée sur autre chose. You can already see where we're headed to. Vous pouvez déjà voir où nous sommes dirigés. You can already see where the problem is. Vous pouvez même voir où est le problème. Huh? And he says, depending on. Et il dit dépendre de. You see, that we suppose depend on. Vous dites, et ça signifie dépendre de. Meaning life and death, it is this one here. Signifiant la vie et la mort, c'est ce dont il s'agit ici. Only one way. Seulement un chemin. I can begin to see the one way traffic. Je peux commencer à voir le trafic de seulement un chemin. That faith molds in our lives. Que la foi moule nos vies. And this is a big, it shouts a question, a screaming question, you know. C'est une grande question. To the church today. À l'Église aujourd'hui. Where is our faith? Où est notre foi? How is our faith? Comment est notre foi? What is the state of our faith? Quel est l'état de notre foi? Is it well and alive, whatever? We're going to share that, right? C'est bien souligné, quel que soit. Nous allons le partager. But going farther on, mais allons plus loin. He still denotes, he defines faith. Il dénote encore. Il définit la foi. By saying, en disant. Believing, it is believing in the Lord. Croire. Croyons dans le Seigneur. Trusting in the Lord. Faisons confiance au Seigneur. Relying on the Lord. S'appuyant sur le Seigneur. Remaining steadfast to. Demeurant ferme. The Lord. Le Seigneur. Oh, that's so powerful. Est si puissant. That's very powerful, precious people. C'est très puissant, précieux peuple. Because now he says, parce que maintenant, il dit. Remaining steadfast to. Demeurant ferme en lui. He says, remaining steadfast to. Il dit demeurant ferme. Steadfast to. Ferme pour. Hold it, which means remaining steadfast to. Hold it. Prenez-le, demeurant indéfectible. Prenez-le. As life and death. Comme la vie et la mort. That already tells me about something else. Ça me dit déjà à propos de quelque chose d'autre. When he says, remaining steadfast to, it means, quand il dit demeurer ferme en lui, in this own definition of faith, dans cette définition de la foi, there is a danger of drifting, il y a un danger de dérive, of failing to remain steadfast, de faillir, de demeurer ferme. I can see that shouting through. Je peux voir que ça crie grâce. Right? The failure of remaining steadfast with me, oh. La faillite de tenir ferme, ce qui signifie « oh ». You say, remaining steadfast to. Il dit « demeurez ferme ». Remain, please. Demeurez, s'il vous plaît. Also, in that fast exploration of faith, aussi, dans cette rapide exploration de la foi, by defining it as remaining steadfast to the Lord, en définissant « demeurez ferme dans le Seigneur », je peux rapidement dénicher, creuser beaucoup de choses dans la Bible. About what am I remaining steadfast on? Sur quoi est-ce que je dois rester ferme? He said, unto the Lord, you know? Il a dit dans le Seigneur. But how can you, how do you, mais comment pouvez-vous, comment le faites-vous, remain steadfast to the Lord? Pour demeurer ferme dans le Seigneur? When he says, remain steadfast to. Quand il dit demeurez ferme to the Lord, dans le Seigneur, that means, ça signifie, there is a temporal situation here. Ça signifie qu'il y a une situation temporelle. There is a time zone. Does somebody hear? Il y a un temps zone. Est-ce que quelqu'un m'entend? There is a time element here. Il y a un temps élément ici. Remain steadfast to. Demeurez ferme. Which means over time, don't change, don't lose grip. Ce qui signifie, au fil du temps, ne change pas, ne perds pas prise. Do you understand me? Vous me comprenez? Obviously, what shouts through is the danger of losing grip. You see that? Ce qui est évident et ce qui crie là à travers, c'est le danger de perdre prise. Number two, the way you hold grip to. La manière dont vous tenez prise. It seems as if the church, the body of Christ, was given something to remain steadfast to. Il a été donné à l'Église, le corps de Christ, de garder quelque chose pour tenir ferme. And now I can open up what that is. Et maintenant, je peux ouvrir sur ce que c'est. Alléluia. Alléluia. When you discuss faith, quand vous discutez ces choses, then it can come through. Et ça peut venir. Why? Pourquoi? Can I open up what that is that is remain steadfast to? Est-ce que je peux ouvrir sur ce que c'est de tenir ferme? Before I come back to finish up with Genesis, avant que je revienne pour finir avec Genèse, it is remaining steadfast to the works of the cross. C'est rester, tenir ferme à l'œuvre de la croix. Did you understand? Because there's a time zone here. Parce qu'il y a un temps zone ici. He said, remain. Il dit restez. Which means you be there like that. Qui signifie vous avez été là comme ça. Don't lose it. Ne le perdez pas. As if I'm going away. You understand? Et ça, je m'en vais. Je vais m'en aller. Vous comprenez? But you remain steadfast to this. Mais vous restez ferme en cela. As I come back, let me find you still holding on to me. Comme je vais revenir. Laissez-moi vous trouver. Faites que je vous trouve. Gardons ceci. I'm just exploring faith with you people. Je suis juste en train d'explorer la foi avec vous, peuple. The basic understanding of faith, the biblical understanding of faith. La compréhension de base de la foi, la compréhension biblique de la foi. So that we may now be able to probe. Alors, vous pouvez maintenant être capable de sonder, to re-interrogate, to review the state of faith in the church. De réinterroger, de revoir l'état de la foi dans l'Église. Could it have been the reason there is a fall? Est-ce que ça pourrait être la raison qu'il y a cette chute? Because I've said it many times. Parce que je l'ai dit plusieurs fois, especially to pastors like you. Spécialement pour des pasteurs comme vous. That if you find a place where a pastor turns around and begins to preach money. Si vous trouvez une place où les pasteurs se détournent et commencent à prêcher l'argent. And he says, sow a seed and get a miracle. Et qu'ils disent, semez une graine et recevez un miracle. Sow a seed and get this. Semez une graine et recevez ça. Sow a seed and get the beginning sell the blood of Jesus. Semez une graine et ils commencent à vendre le sang de Jésus. Beginning to do the ill practice. Commençons à faire la pratique de la maladie, the lawlessness, l'anarchie, the practice of lawlessness, la pratique de l'anarchie in the sanctuary, dans le sanctuaire. Then, I always say this. Ensuite, je dis toujours ceci. Since we have been sent, depuis que nous avons été envoyés to deal in the matters of faith, pour lutter en matière de foi, to preach to them that they may have faith. Pour leur prêcher qu'ils peuvent avoir la foi in him. En lui. How can we ourselves lose faith? Comment pouvons-nous nous-mêmes perdre la foi? Or not have faith? Ou ne pas avoir de foi? Because the Bible says, parce que la Bible dit, he said in the Bible, don't worry what I'll eat. C'est dit dans la Bible. What I'll drink. Qu'est-ce que je vais boire? Where I'll sleep or what? Où est-ce que je vais dormir? Ou quoi? He says, the birds. Il dit, les oiseaux. If you look at the birds in the sky, si vous regardez les oiseaux du ciel, they never have granaries and stores. Ils n'ont jamais eu de greniers et d'entrepôts. But your father feeds them on a perpetual, on a daily basis. Mais votre père les nourrit dans une base perpétuelle et journalière. Without fail. Sans faillir. Whether it rains or sunshine, he feeds them. Sans la foi, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau temps, il les nourrit. On a daily basis. Dans une base quotidienne. And then he says, look at the lilies, how they are clothed. Et ensuite il dit, regardez aux lys, comment ils sont vêtus. And he says, even King Solomon. Et il dit, même le roi Salomon, in the splendor of his wealth, dans la splendeur de ses richesses and majesty, et dans sa majesté, he could not rival the lilies. Il ne peut pas rivaliser avec les lys. You understand? So, I see very clearly that there, alors, je vois très clairement que là, the Lord is speaking to the church. Le Seigneur est en train de parler à l'église. He is speaking to the servants. Il parle aux serviteurs. And what is the Lord saying? Et qu'est-ce que le Seigneur dit? He saying, look, il dit, regarde, I have said, j'ai dit, I will not let you down. Je ne vous délaisserai pas. Because he say, parce qu'il dit, how much more than you who are his servants? Combien plus vous qui êtes ses serviteurs? Shall he fend for you? Doit-il se débrouiller pour vous? So, if faith means believing God, alors, si la foi signifie croire Dieu, that also means believing him and taking him for his word. Ça signifie le croire et le prendre au mot. I take him for his word. Je le prends au mot. On his word. En sa parole, to have faith. Avoir foi. And so, if you find somebody trying to corrupt the gospel, alors, si vous trouvez quelqu'un qui essaye de corrompre l'évangile, it is a pathetic state of fall. C'est un état pathétique de chute. In fact, it exudes. En fait, il exulte faithlessness. Le manque de foi. That means they reach the point of not having faith in the Lord. Ça signifie qu'ils arrivent à un point où ils n'ont pas foi dans le Seigneur. To the extent that now they have to corrupt, they have to try by their own means. Au point que maintenant, ils ont à corrompre. Ils doivent essayer par leurs propres moyens. That's why I say faith is so key. I have to talk about faith. C'est pourquoi j'ai dit, la foi est tellement une clé que j'ai besoin de parler à propos de la foi. I must. Je dois. And I say, et j'ai dit, that when it comes to the definition of faith according to the Bible, quand ça vient pour la définition qui concerne la Bible, he says, believing, you know, it's as if, il dit, croyant, vous savez, c'est comme si, the only way you can glorify God, la seule manière où vous pouvez glorifier Dieu, the only manner in which the Lord can be glorified, la seule manière dans laquelle le Seigneur peut être glorifié, by the body of Christ, par le corps de Christ, by the church, par l'église, by the pastors, par les pasteurs, by the priesthood, par la prêtrise, by the pulpit, par la chair, is when the body of Christ, c'est quand le corps de Christ has faith in the Lord, a foi dans le Seigneur, then he will be honored. Alors il va être honoré. Why do I say so? Pourquoi est-ce que je dois dire ça? Why have I said such a big thing? Pourquoi est-ce que j'ai dit une telle grande chose? Because, parce que, in the biblical definition I've read, dans la définition biblique que j'ai lue, it's as if you say, when you have faith, il dit, quand vous avez la foi in the Lord, dans le Seigneur, that means you are declaring to the nation that, look, ça signifie que vous êtes en train de déclarer aux nations que, regardez, that Lord, the Lord of heaven, ce Seigneur du ciel, he is believable. Il est digne de confiance. The Lord of heaven, he is reliable. Le Seigneur du ciel est digne qu'on s'appuie sur lui. The Lord of heaven is dependable. Le Dieu du ciel est digne recevoir notre dépendance. In so doing, that's what you're shouting to the nations. En faisant cela, c'est ce que nous montrons aux nations. And you're glorifying him. Et nous le glorifions. Because you're telling people, look, parce que on dit aux gens, regarde. Come, my God is dependable. Viens, mon Dieu est digne de confiance. Mon Dieu est sûr. You can entirely depend on him. Vous pouvez entièrement dépendre de lui. He is believable. He is trustworthy. Il est fidèle. Il est digne de foi. Trustable. On peut se fier à lui. But when it comes down to where the Bible says, holding steadfast to the Lord, quand la Bible dit, tenez ferme dans le Seigneur, then I want to understand, what is this tangibility? What is this tangible thing that we must hold? Et j'ai besoin de comprendre quelle est cette tangibilité, quelle est cette chose touchable que nous devons tenir. Not to lose. Ne pas perdre. Across time. À travers le temps. When we have faith, what is this that faith will help us to lay our hands on and hold? Qu'est-ce que c'est qui va nous aider finalement à mettre nos mains dessus et tenir? I know he says. Je sais qu'il dit. Remaining steadfast to the Lord. Tenez ferme dans le Seigneur. But I want to break it up. Mais je veux le simplifier. I want to bring it into digestible portions. Je veux donner des portions capables d'être digérées. To you. Pour vous. Synthesizable. Synthétisable. That you may understand deeper what the Lord is talking about here. Pour que vous puissiez comprendre plus profondément ce dont le Seigneur est en train de parler ici. When he's talking about faith in the body of Christ. Quand il parle de la foi dans le corps de Christ. Faith in the church. La foi dans l'Église. For you to understand what the church ought to hold steadfast to. Pour vous de comprendre ce que l'Église doit tenir fermement. I say, we must understand that it's about the cross. J'ai dit, nous devons comprendre que c'est à propos de la croix. The works of the cross. L'œuvre de la croix. But let me move on in a better way that you may understand it better. Mais laissez-moi me déplacer dans un meilleur chemin pour que vous puissiez le comprendre mieux. Turn with me temporarily. We're coming back to Genesis. Tournez avec moi temporairement. Parce que nous allons retourner à Genèse. Turn with me to the book of John chapter 3. Tournez avec moi à l'évangile de Jean chapitre 3. Verse 16. Le verset 16. Alléluia. Alléluia. John chapter 3 verse 16. Jean chapitre 3 verset 16. What is this the Lord is asking us to hold steadfast to? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de tenir fermement? John chapter 3 verse 16. Jean chapitre 3, 16. How do we understand faith in the body of Christ? Comment est-ce que nous devons comprendre la foi dans le corps de Christ? So that we may now be able to probe us, to probe ourselves. Que nous pouvons maintenant être capables de nous prouver à nous-mêmes. With that understanding of faith. Avec cette compréhension de la foi. And then ask ourselves, where is our faith? Et ensuite, demandez-vous vous-même, où est notre foi? How far is it? Jusqu'où est-ce que ça va? Has it grown? Est-ce que ça croît? Is it going to diminish or whatever? Est-ce qu'elle est en train de diminuer? He says, for God so greatly loved. Il dit, car Dieu a tant aimé and dearly prized the world, et a donné tant de prix au monde that he even gave up. Qu'il a même levé his only begotten unique son, son seul bien-aimé et unique fils, so that whoever believes in him, pour que qui que ce soit qui croit en lui, trusts in him, lui fasse confiance, clings to him, s'accroche à lui, relies on him, s'appuie sur lui, shall not perish, ne doivent pas périr. Come to the destruction, ne viennent pas à la destruction and be lost, et ne soient pas perdus, but have eternal, everlasting life. Mais reçoivent la vie éternelle. That's almighty, right? Ça, c'est puissant. That's very big. C'est très grand. Did somebody see what I saw? Est-ce que quelqu'un voit ce que j'ai vu? Very fast, you begin to understand the bearing of faith. Très vite, vous commencez à comprendre la position de la foi into your salvation. Dans votre salut. I mean the centrality of faith. Je pense la centralité de la foi. How faith is actually the epicenter of your Christian salvation. Comment la foi est actuellement l'épicentre de votre salut chrétien. Because I'm amazed. Parce que je suis étonné. And you know, Amplified does it in a beautiful way. Et vous voyez, la version amplifiée le fait d'une manière très belle. When he does it about the cross, quand il le fait à propos de la croix, I see him defining faith. Je le vois définissant la foi. I see him exalting faith. Je le vois exaltant la foi. Raising faith, which means, élevant la foi, ce qui signifie God in heaven, le Dieu dans les cieux. When he saw the fall of man, quand il a vu la chute de l'homme, when Jehovah saw that the church had now fallen, quand Jéhovah a vu que l'église est maintenant tombée, let me go back to the Garden of Eden. Laissez-moi retourner au jardin d'Éden. At the Garden of Eden, au jardin d'Éden, there was something very important that took place there. Il y a quelque chose de très important qui a pris place là. When God created man, quand Dieu a créé l'homme, he created man, il a créé l'homme in his own image, à sa propre image, in likeness, à sa ressemblance. In his likeness and image, right? À sa ressemblance et à son image, d'accord? But that image of God, mais cette image de Dieu, and likeness of the Lord, et ressemblance au Seigneur, is not physical, n'est pas physique. Because, parce que, we know that the Lord never dies. Nous savons que le Seigneur ne meurt jamais. The Lord is not perishable. Le Seigneur n'est pas périssable. The Lord is not corruptible. Le Seigneur n'est pas corruptible. The Lord is not mortal. Le Seigneur n'est pas mortel. So that image must have been, alors cette image doit être imperishable, impérissable, immortal, immortel, incorruptible, incorruptible. And yet the flesh we wear, et maintenant la chair que nous portons, we know it too well, nous le savons trop bien, that it is very perishable, que elle est très périssable, corruptible, corruptible, and mortal, et mortel, dies, meurt. So if I look very clearly into the original blueprint of the creation of the church, si je regarde très clairement au programme original de la création de l'église, when in Genesis chapter 1 verse 26, which we are not reading today, quand dans Genèse chapitre 1 verset 26 que nous n'allons pas lire aujourd'hui, the Lord designed the blueprint, le Seigneur a dessiné le programme, the spiritual architectural blueprint for the creation of man, le plan spirituel et architectural pour la création de l'homme, for creating the church, pour la création de l'église. He designed the church, il a dessiné l'église, in such a way that at the end of his finishing, when he's doing the finishing of the work now, the finishings, d'une telle manière que à la fin, quand il a eu fini son travail, le travail, quand ça a été fini, you end up with the image and likeness of God. Vous terminez avec l'image et la ressemblance de Dieu. It doesn't matter where he started from. Et peu importe de quoi ça a été commencé. Molded, created what ended up with the flesh now? Moulé, créé et terminé avec la chair maintenant? And then he put in the spirit. Et ensuite il met l'esprit. That's why I said the finishings. C'est pourquoi il a dit les finitions. And that spirit, et cet esprit, there's an aspect of that spirit, c'est un aspect de cet esprit, that is supposed to be immortal, qui est supposé être immortel, that is supposed to be imperishable, qui est supposé être impérissable, incorruptible, incorruptible. What is that aspect, precious people? Quel est cet aspect, précieux peuple? That aspect is the one and only righteousness of the Lord. Cet aspect est la une et seule justice du Seigneur. I'm not jumping the gun, please. I'm just mentioning this to calm it down, so you are aware, and then bring you back. Je n'agis pas prématurément, please. Je mentionne juste cela pour calmer cela. Alors vous êtes averti et vous ramenez. Why have I said so? Pourquoi est-ce que j'ai parlé comme ça? Because, parce que, in the Garden of Eden, dans le jardin d'Eden, we know that Adam walked with God. Nous savons que Adam marchait avec Dieu, in the cool of the day, dans la fraîcheur du jour, very well documented in the Bible, très bien documenté dans la Bible, that in the cool of the day, que dans la fraîcheur du jour, Adam walked with God. Adam marchait avec Dieu, and there is no way, et il n'y a pas de manière, mankind in the Garden of Eden, pour l'être humain dans le jardin d'Eden, would have sustained such a close proximity, qui ait soutenu une pareille proximité tellement proche, to the Lord, au Seigneur, such a very close relationship with the Lord, une relation tellement proche avec le Seigneur, except that he was walking in righteousness, sauf s'il était en train de marcher dans la sainteté. Do you understand me? Vous comprenez? Because we know that our God is holy. Parce que nous savons que notre Dieu est saint. Our God is righteous. Notre Dieu est juste. And the only thing about him that is eternal and eternal and eternal and never changes, will never change, is the righteousness of God. Et la seule chose que nous savons à propos de lui, c'est qu'il est éternel et éternel et qu'il ne change pas. Et quelque chose qui ne change jamais, c'est la justice de Dieu. The holiness of the Lord. La sainteté du Seigneur. So even then, he was very holy. Mais même là, il était très saint. And there is no way, Adam, mankind, et il n'y avait pas d'autre chemin que Adam, en tant qu'être humain, the church, l'Église, would have walked with God if the church were not walking righteously. Qui devrait marcher avec Dieu ne peut pas marcher sans la justice. So when he created man, he intended that man be righteous. Alors quand il a créé l'homme, il a voulu que l'homme soit juste. Did you understand me? Vous me comprenez? And when man fell, et quand l'homme est tombé, when man fell, when Adam and Eve fell, quand l'homme est tombé, quand Adam et Ève sont tombés, at the Garden of Eden, au jardin d'Éden, what is it that they lost? Qu'est-ce qu'ils ont perdu? They lost the righteousness of the Lord. Ils ont perdu la justice du Seigneur. That was the biggest and eternal treasure that had been deposited. Et ça, c'était le plus grand et l'éternel trésor qui a été déposé in the soul of man. Dans l'âme de l'homme. That is what caused the Lord to say, the image and likeness of God. C'est ce qui fait que le Seigneur dise à l'image et à la ressemblance de Dieu. The eternity of God. L'éternité de Dieu. That man may share the eternity of God. Cet homme peut partager à propos de l'éternité de Dieu. And yet we know it too well. Et maintenant nous le savons trop bien. Only the righteousness of the Lord can bestow upon a soul. Que seule la justice du Seigneur peut être mise dans une âme. Eternity with God. L'éternité avec Dieu. Let me move it to another level. Laissez-moi vous amener dans un autre niveau. Now, the fall. Maintenant, la chute. In the Garden of Eden. Dans le jardin d'Eden. We have seen the fall now. Nous avons vu la chute maintenant. That they fell, and in the falling, qu'ils sont tombés, et dans cette chute, the fall was to lose righteousness. La chute était de perdre la justice. You see that? But listen very carefully now. Mais maintenant, écoutez très attentivement. Come, John chapter 3. Viens, Jean chapitre 3. Verse 16 that we just read. Le verset 16 que nous venons de lire. Again I read it, he says. Encore je le lis. Il dit. For God so greatly loved. Parce que Dieu a tellement aimé and dearly prized the world, which means appraised, et a donné tellement de prix au monde, raised the value, a élevé la valeur, dearly prized, a chèrement donné du prix, raised the value of the world, which means the value had gone down, élevé la valeur du monde, ce qui signifie que la valeur a été descendue. He loved and he raised its value. Il a aimé et il a élevé sa valeur. The value of the earth, the value of man. La valeur de la terre, la valeur de l'homme. The value of the world. La valeur du monde. It says, and dearly prized the world. Et il demande, il a chèrement donné un prix au monde. That he even gave up his only begotten unique son. Il a même donné son seul bien-aimé et unique fils. So that whoever believes in him, alors que quiconque croit en lui, or be lost, but have eternal everlasting life. N'est jamais perdu, ne périt pas, mais reçoit la vie éternelle. Listen to this. What is the Lord saying in other words? Écoutez ceci. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans d'autres mots? About Calvary. À propos du calvaire. The Lord is saying. Le Seigneur dit that from heaven, que du ciel, at the throne of God, au trône de Dieu, the value of faith, la valeur de la foi is so high, est si haute, that God was able to even release his one only begotten son, que le Seigneur était capable de même relâcher son seul bien-aimé fils. That whoever will have faith down there may not die, but come in here. Que si nous avons la foi là en bas, on ne va pas mourir, mais venir là. Did somebody hear me? Est-ce que quelqu'un entend? That the value of faith before the throne of God. Que la valeur de la foi devant le trône de Dieu. This faith we are talking about. La foi dont il parle. Is so big that when he brought Jesus, he said, "Whoever believes in him." Est si grande. Que quand il amène Jésus, quiconque croit en lui, s'appuie sur lui, lui fait confiance. But we know that that's the definition of faith. Mais nous savons que la définition de la foi, those are the dimensions that denote faith. Celles-ci sont les dimensions qui dénotent la foi, that develop the boundary of faith. Qui développent la frontière de la foi. That faith is such a premium before God in heaven, que la foi prime devant Dieu dans les cieux, to the extent that God Almighty was able to release his one and only unique begotten son, au point que le Dieu Tout-Puissant soit capable de relâcher son seul et unique fils bien-aimé, to go down there and be tortured and to be killed, pour être descendu et être torturé et même tué, to pay the full price, the ultimate price. Pour payer le prix entier et l'ultime prix. Why? Pourquoi? That whoever will have faith down there. Pour que quiconque aura de la foi ici-bas, I may not leave them. Je ne peux pas les laisser. That they may enter here. Pour qu'ils puissent entrer là. And be saved. Et être sauvés. You see the value of faith. Vous voyez la valeur de la foi? Are you beginning to understand it? Je commence à comprendre ceci. So you see that when Adam, alors vous voyez que quand Adam was walking in the garden of Eden, était en train de marcher dans le jardin d'Eden, and the Lord said, "You shall not eat." Et le Seigneur a dit, vous ne mangerez pas from the fruits of the tree in the center of the garden. Des fruits de l'arbre au centre du jardin. Adam, when he was walking with God, Adam, quand il marchait avec Dieu, in the cool of the day, dans la fraîcheur du jour, Adam believed God. Adam croyait Dieu. Meaning he was in right standing with God. Signifiant qu'il avait une relation juste avec Dieu. Adam believed God, which means he had faith in God. Adam croyait Dieu, ce qui signifie il avait foi en Dieu. Adam trusted God. Adam faisait confiance à Dieu. Which means Adam had faith in the Lord. Ce qui signifie Adam avait foi dans le Seigneur. Adam obeyed God. Adam obéissait à Dieu. Everything, which means Adam, toute chose, ce qui signifie Adam took God for his word. Prenait Dieu au mot. He had faith. Il avait la foi. But when the devil came, mais quand le diable est venu, the adversary, the enemy came, l'adversaire, l'ennemi est venu. What did the enemy meddle with? De quoi est-ce que l'ennemi s'est mêlé? He meddled with faith. Il s'est mêlé de la foi. That is where he touched, knowing the premium. C'est là qu'il a touché, sachant que le prime, that is attached to faith. La première chose qu'il faut toucher, c'est la foi. In the kingdom of God, dans le royaume de Dieu, the devil had to come and touch faith. Le diable est venu et a touché la foi. And disrupt faith. Et a interrompu la foi. And diminished faith. Et a diminué la foi. endwindled faith. Et a affaibli la foi. And bringing the enemy of faith, doubt. Et amenant l'ennemi de la foi, le doute. And ask him, et lui demandant, is it really true that he said? Est-ce que c'est vraiment vrai qu'il ait dit? In other words, creating a doubt. En d'autres mots, créant un doute. Is it really true that he said that if you eat from that tree, you will have the knowledge of good and bad? Que si vous mangez de ce fruit, vous aurez la connaissance de ce qui est bien et pas bien. And we'll have death or whatever. Et que vous mourrez ou quoi que ce soit. And look at the mistake here. Et regardez à la faute ici. Instead of Adam and Eve, au lieu que Adam et Ève taking God for his word, prennent Dieu au mot, which means having faith in God, ce qui signifie avoir foi en Dieu, sustaining, holding steadfast to the faith they had in God. Ce qui veut dire tenir fermement dans la foi qu'ils avaient en Dieu. Instead of them remaining steadfast, au lieu qu'ils demeurent fermement in the faith that allowed them to walk in the cool of the day, dans la foi qui leur permettait de marcher dans la fraîcheur du jour with the Lord, avec le Seigneur. Which means believing God. Ce qui signifie croyant Dieu. Which means taking him for his word. Ce qui signifie le prenant au mot. Adam and Eve. Adam et Ève went into the business sont allés dans les affaires of trying to test. D'essayer de tester. To test the word of God. De tester la parole de Dieu. Did you hear me, somebody? Est-ce que vous m'écoutez? Listen again very carefully. Écoutez encore très attentivement. When you just believe God, I believe God. Quand vous juste croyez Dieu, je crois Dieu. Faith means to believe God. La foi signifie croire Dieu. Just believe God. Juste croire Dieu. Which means I don't need any collateral. Ce qui signifie je n'ai besoin d'aucun parallèle. I don't need any surety, any bond to hold back. Je n'ai pas besoin d'aucun garant, d'aucun lien pour retenir. Something to fall back to. Quelque chose pour y retourner. I just believe him. Je le crois. Which means if I just believe him. Ce qui signifie que si juste je le crois. Which means I also believe his word. Ce qui signifie je crois aussi sa parole. Anything he says, I just take it as it is that. Quoi que ce soit qu'il dise, je le prends et c'est ça. He has said it. Il a dit ceci. I don't need to question or prove it. Pas besoin de questionner ou de le prouver. But mais, they moved position from there. Mais ils ont déplacé leur position de là. And they went to test God. Et ils sont allés pour tester Dieu. To test now the word God has spoken. Pour tester maintenant la parole que Dieu a dite. The devil began to ask them, le diable a commencé à leur demander. Is it true the Lord said this? Est-ce que c'est vrai que le Seigneur a dit ceci? And then they went to test between right and evil. Et ensuite, ils sont allés tester entre ce qui est juste et ce qui est mal. And touch the fruit. Let us see really if what he said. You understand? Et ont touché le fruit, disant, regardons vraiment si ce qu'il a dit. Vous comprenez ceci? Do you understand the centrality of faith? Vous comprenez la centralité de la foi? Do you understand where the fall is? Vous comprenez pourquoi la chute est là? Do you understand the genesis of the fall? Est-ce que vous comprenez la genèse de la chute? And do you understand that the devil has never changed tactics? Est-ce que vous comprenez que le diable n'a jamais changé de tactique? That is the same tool he has used to now bring down the church today. Ça, c'est le même outil qu'il a utilisé maintenant pour faire tomber l'Église aujourd'hui. The faithlessness. Le manque de foi. The loss of faith. La perte de la foi. The diminishing of faith. La diminution de la foi. The incorporation of doubt. L'incorporation du doute. Alléluia. Alléluia. Listen very carefully. Écoutez attentivement. They went to try out, took it and ate. Ils sont allés essayer, le prendre et manger. To try out. Pour essayer. But guess what? Mais devinez quoi? What is the Lord saying here? Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? From that point on, they were thrown out. Depuis ce moment, ils ont été jetés. Death entered the earth. La mort est entrée sur la terre. The cherubim of glory with flaming swords were put in the eastern gate. Les chérubins de gloire avec une épée flamboyante à la porte de l'est. To make sure they never enter to eat the tree of life. Pour être sûr qu'ils n'entrent jamais pour manger de l'arbre de vie. That would allow them live forever. Qui pourrait leur permettre de vivre pour toujours. Because death had come. Parce que la mort est venue. Death came as a penalty. La mort est venue comme une sanction. So what is the Lord saying here? C'est ce que le Seigneur dit ici. The Lord is saying, le Seigneur dit that faith que la foi is so highly prized est tellement à un tel prix in heaven, dans le ciel to the extent that if you are faithless, au point que si vous êtes sans foi or if you lose your faith, ou si vous perdez votre foi, the penalty is death. La sanction est la mort. Did somebody understand the gravity of faith? Est-ce que quelqu'un comprend la gravité de la foi? That faith is so critical to our God, Jehovah. Que la foi est si critique à notre Dieu, Jéhovah. The God of Israel. Le Dieu d'Israël. Faith is all or nothing. La foi est tout ou rien. Faith is so critical to him that he could surrender his only son. La foi est si critique pour lui pour qu'il puisse livrer son seul fils. For those with faith. Pour ceux qui ont la foi. It is so critical that whoever loses faith. C'est si critique que quiconque perd la foi. The penalty is death. La punition est la mort. There is no intermediary. Il n'y a pas d'intermédiaire. There is no midway. Il n'y a pas de chemin entre deux. That's how death was pronounced. Ça, c'est comment la mort a été prononcée. Upon mankind. Sur l'être humain. But look at this. Mais regardez à ceci. When Adam and Eve, quand Adam et Ève, when humanity, quand l'humanité, at the Garden of Eden, au jardin d'Éden, when mankind, quand l'être humain lost faith, a perdu la foi and fell, et est tombé, fell by eating from the tree, est tombé en mangeant de l'arbre. You understand? Vous comprenez? Then the Lord now, alors, le Seigneur maintenant, because of the way he cherishes faith, à cause de la manière dont il chérissait la foi, he highly prizes faith. Il donne un prix très haut à la foi. Before himself at the throne. Devant lui-même au trône. And hence the faithful. Et donc le fidèle. Because of the heavy price. À cause du lourd prix. On faith. De la foi. He now releases his one and only begotten son. Il a maintenant relâché son seul fils bien-aimé to come back, pour revenir to restore faith, restaurer la foi that whoever believes in him, pour que quiconque croit en lui, whoever trusts him, quiconque lui fait confiance, whoever relies on him, quiconque s'appuie sur lui, whoever clings to him, quiconque s'accroche à lui, whoever holds steadfast on him, quiconque se tient fermement en lui, shall not die anymore, but enter, ne mourra plus, mais entrera. Death is erased. La mort est effacée. Amen. Now death is erased. Maintenant, la mort est effacée. Out of the restoration of faith. Par la restauration de la foi. The Garden of Eden, le jardin d'Éden, fell, lost faith. Adam et Ève sont tombés, ont perdu la foi, and ate from the tree. Et ont mangé de l'arbre. From the tree came the curse, that tree. De l'arbre est venue la condamnation de cet arbre. When he came now at Calvary, quand il est venu maintenant au calvaire, restored faith, restaurer la foi on the tree. Sur l'arbre. Listen to me. Écoutez-moi. When they ate at the Garden of Eden, quand ils ont mangé au jardin d'Éden, they ate the fruit of the tree. Ils ont mangé du fruit de l'arbre. It brought death. Qui amène la mort. But at Calvary, mais au calvaire, when we ate the fruit of the tree, quand nous mangeons du fruit de l'arbre, we found life. Nous trouvons la vie. The Lord, le Seigneur, he really helped us. Il nous a vraiment aidés. Do you see the significance of faith? Vous voyez la signification de la foi? So Jesus came. Alors Jésus est venu to restore faith. That's why they call it the Christian faith. Pour restaurer la foi. C'est pourquoi ils ont appelé ceci la foi chrétienne. Salvation is the Christian faith. Le salut, c'est la foi chrétienne. Because of the first scripture that we saw, Genesis chapter 15, verse 6. Parce que dans la première écriture, nous avons vu Genèse chapitre 15, verset 6. Look at what he said. Regardez ce qu'il a dit. Just look at what he said there. Juste regardez ce qu'il a dit ici. Back to Genesis 15. Retournons à Genèse 15, verse 6. Le verset 6. That we may understand another dimension. Pour que nous puissions comprendre une autre dimension. Another aspect of faith. Un autre aspect de la foi. And how critical and significant faith is. Et combien critique et significatif est la foi in our salvation. Dans notre salut. That hence we may cherish faith. Pour que nous puissions chérir la foi. We may guard faith. Nous pouvons garder la foi. We may hold steadfast to faith. Nous puissions tenir fermement dans la foi. Protect faith. Protéger la foi. Never lose faith. Ne jamais perdre la foi. He says, il dit, verse 6 again, we're still on the same verse. Encore dans le verset 6, nous sommes encore dans le même verset. He says, il dit, and he, Abraham, et lui, Abraham, believed in, a cru en, trusted in, lui a fait confiance, relied on, s'est appuyé sur, remained steadfast to the Lord, a tenu ferme dans le Seigneur, and he counted it to him, et cela lui a été imputé, as righteousness, à justice, right standing with God, de tenir droitement avec Dieu. That is so powerful. C'est si puissant. That means, ça signifie that this so much cherished, que ceci qui est tellement cher and beloved righteousness of the Lord, et la bien-aimée justice du Seigneur is actually a manifestation of faith. Est actuellement une manifestation de foi. Did somebody hear me? Est-ce que quelqu'un m'entend? In other words, en d'autres mots, I'm now seeing a higher notch, je vois maintenant un cran supérieur of what faith stands for. De ce que la foi tient pour. In the body of Christ. Dans le corps de Christ. Because he says. Parce qu'il dit. That because Abraham. Parce que Abraham. Had faith. Avait la foi. By believing God. En croyant Dieu. Trusting God. En faisant confiance à Dieu. Depending on God. En dépendant de Dieu. And relying on God. Et s'appuyant sur Dieu. Then God counted it to him that behold he is now righteous. Alors le Seigneur lui a imputé à justice. That means when the church walks in faith. Ça signifie quand l'église marche dans la foi. Believes in the Lord, has faith in the Lord. Croit au Seigneur, a la foi dans le Seigneur. That church, cette église, manifests righteousness. Manifeste la justice. That is just how central faith is. Ça, c'est juste combien la foi est centrale. At the throne of God. Au trône de Dieu. That faith equals to righteousness. Que la foi est égale à la justice. And since we know. Et depuis que nous savons that righteousness equals to the kingdom of God, que la justice est égale au royaume de Dieu, eternity with God, à l'éternité avec Dieu, the rapture of the church, à l'enlèvement de l'église, the wedding of the lamb, les noces de l'agneau. Then that means faith equals, et ça signifie la foi, the kingdom of God, est égale au royaume de Dieu. That means faith is the only avenue. Ça signifie que la foi est la seule avenue through which humanity, à travers laquelle l'humanité, the church can access, l'église peut avoir accès, the exploits of the cross, à l'exploit de la croix, at Calvary, au calvaire. Again, encore, that means, ça signifie faith, la foi is the only roadmap, est la seule carte routière through which humanity, à travers laquelle l'humanité, the church, l'église, can access, peut avoir accès, the kingdom of God, au royaume de Dieu. Faith is the only avenue, la foi est la seule avenue through which, à travers laquelle mankind, l'être humain, can access, peut avoir accès, eternal peace at the wedding feast of the Lamb of God, à l'éternelle paix à la fête de mariage de l'agneau de Dieu, the rapture, l'enlèvement, peace with God, la paix avec Dieu, worship in heaven, l'adoration dans les cieux, escaping hell, d'échapper à l'enfer. Faith equals the rapture. La foi est égale à l'enlèvement. Faith equals the kingdom of God. La foi égale le royaume de Dieu. And faith equals to the righteousness of the church. La foi égale à la justice de l'église. That tells me, alors, ceci me dit, that when the Lord says, que quand le Seigneur dit, please prepare your garments, s'il vous plaît, préparez votre vêtement, his meaning, il pense, hold steadfast to your faith, tenez fermement dans votre foi. So now you understand, alors maintenant, vous comprenez, that when the Lord said, que quand le Seigneur a dit, that the garment, que le vêtement, of the bride of Christ, de l'épouse de Christ, is spotless, et sans tache, without spot, sans tache, without stain, sans souillure, without wrinkle, sans ride. He actually alluded to the faith, il faisait actuellement allusion à la foi, of that church, de cette église. He implied her faith, il implique sa foi, that her faith would never have a speck of a doubt, que avoir la foi, c'est ne jamais avoir le moindre doute. And that's why he says, c'est pourquoi il dit, that when anybody, que qui que ce soit, anyone stands before a mountain, qui que ce soit qui se tient devant une montagne, and tell that big mountain, et dit à cette grosse montagne, be ye removed from here, déplace-toi de là, and thrown, cast into the ocean, et mettre dans l'océan, and he has faith, et qu'il a la foi, and he completely believes, et qu'il croit complètement, without a doubt, sans aucun doute, that that mountain will be removed and cast into the ocean, cette montagne va être déplacée et tomber dans l'océan. Do you now understand what the Lord said? Vous comprenez maintenant ce que le Seigneur a dit? That the final church, c'est que l'église finale, the church that enters the kingdom of God, l'église qui va entrer dans le royaume de Dieu, is the church that will be in the unity of the faith. C'est l'église qui sera dans l'unité de la foi. Faith is such a treasure, la foi est un tel trésor, in the kingdom of God, dans le royaume de Dieu, it cannot be overlooked in the church. Elle ne peut pas être oubliée dans l'église. And now we see, et maintenant nous voyons, that actually faith, que actuellement la foi, a church that is faithful to God, l'église qui est fidèle à Dieu, is indeed a church, est en vérité l'église, that is righteous to God, qui est juste devant Dieu. She's walking in the righteousness of the Lord. Elle marche dans la justice de Dieu. Because, parce que, In simple human terms, de simples termes humains, when somebody says, quand quelqu'un dit that look, que regarde, my wife is faithful to me. Mon épouse m'est fidèle. That means he trusts his wife. Ça signifie qu'il fait confiance à sa femme. And if he trusts his wife, et si il fait confiance à sa femme, that means he really loves his wife. Ça signifie qu'il l'aime vraiment. And she really loves him. Et elle l'aime réellement. That means, ça signifie, there is not a speck of doubt. Il n'y a pas le moindre doute. There is a covenant. Il y a une alliance between the two, entre les deux, which is very strong, qui est très forte. So, faith, alors, la foi in the body of Christ, dans le corps de Christ actuellement dénote a very strong covenant, une alliance très forte that is there between Christ and the church, qui est là entre Christ et l'Église, such that a faithful church, de telle sorte qu'une Église fidèle is the church that is strongly covenanted. C'est une Église qui est fortement alliée, bonded to the Lord, liée au Seigneur. That's very powerful. C'est très puissant. Because parce que when somebody is faithful, quand la fidélité de quelqu'un to another, pour quelqu'un d'autre, there is a relationship there. Il y a une relation, there is honor to that relationship. Il y a de l'honneur dans cette relation. There is the prizing, il y a le prix, the raising, l'élévation, exalting, l'exaltation of that relationship, de cette relation above all the others that could have interfered with it, au-dessus de toutes les autres qui pourraient avoir interféré avec elle. That's why it is sustained. C'est pourquoi ça se maintient. So when the Lord explores faith with us, alors, quand le Seigneur explore la foi avec nous, the Lord talks about faith, le Seigneur parle à propos de foi in the body of Christ, dans le corps de Christ. In other words, en d'autres mots, it throws in a begging question, right? Elle nous jette dans une question suppliante when he says, quand il dit, have you truly prized, avez-vous vraiment Christ, the covenant that I unleashed, l'alliance que j'ai donnée au calvaire. Again, encore. Have you really exalted before the eyes of men? L'avez-vous vraiment exalté aux yeux des hommes? Before the eyes of the world, devant les yeux du monde. That mighty covenant, cette puissante alliance that I invoked, que j'ai invoquée on the cross at Calvary, à la croix au calvaire. So, in a nutshell, alors, en un mot, you begin to understand the genesis of the apostasy in today's church. Vous commencez à comprendre la genèse de l'apostasie dans l'Église d'aujourd'hui. That apostasy, que l'apostasie, the waywardness, la rébellion, the lawlessness, l'anarchie, that we see heavily manifest, que nous voyons lourdement manifesté in the church today, dans l'Église aujourd'hui, can only symbolize, peut seulement symboliser a church that has lost faith in the Lord, une Église qui a perdu la foi dans le Seigneur. That means if the pastors are corrupting, ça signifie si les pasteurs sont corrompus to get money to fend for themselves, pour trouver de l'argent pour eux-mêmes, which means they have lost faith, ce qui signifie qu'ils ont perdu la foi that the Lord can provide, que le Seigneur peut pourvoir. If you see churches and ministries, si vous voyez des églises et des ministères where miracles are being faked, où les miracles ont été truqués, that means they have lost faith, ça signifie qu'ils ont perdu la foi that the Lord can heal. La foi que le Seigneur peut guérir. Faith is everything in the church. La foi, c'est tout dans l'Église. And if today's church, et si l'Église d'aujourd'hui, today's post-modern fallen church, l'Église post-moderne, l'Église qui tombe, if she is to be able to retrace her origins. Si elle est capable de reconstituer ses origines, retrace her path, de retracer son chemin, back to what she received in the beginning, de retourner à ce qu'elle a reçu au début, what she was supposed to hold steadfast to, de ce qu'elle était supposée tenir fermement. Then she has to ask the Lord. Alors elle a demandé au Seigneur to restore her faith. De restaurer sa foi. It is the faith she lost. C'est la foi qu'elle a perdue. That caused the decay in the body of Christ. Qui apporte le déclin dans le corps de Christ. Without faith, sans la foi, the church has no business. L'Église n'a pas d'affaires. Because parce que we are in the business of faith. Nous sommes dans l'affaire de la foi. Of making people have faith in Christ. De faire que les gens aient foi en Dieu. Without faith, sans la foi, the church has no future with God in heaven. L'Église n'a pas de futur avec Dieu dans les cieux. That is just how central and how significant. Ça, c'est juste combien central et combien significatif faith is est la foi in the Christian lifestyle. Le style de vie chrétienne. Faith is indeed the foundation. La foi est en vérité la fondation of all Christian walk. De toute marche chrétienne. Because we have now seen parce que nous avons vu maintenant that even the righteousness we need to wear, que même la justice qu'on a besoin de vêtir, faith is a precursor, is in fact a byproduct. La foi est un précurseur. C'est en fait un dérivé. Faith is a precursor of righteousness. La foi est le précurseur de la justice. That you cannot walk in righteousness, que nous ne pouvons pas marcher dans la justice except that you have faith. Sauf si nous avons la foi. And when you have faith, you are faithful to the Lord. Quand nous avons la foi, nous avons la fidélité au Seigneur. Do you understand? Est-ce que vous en comprenez? Again, let me repeat this. Encore, laissez-moi le répéter. This is very important. C'est très important. You cannot walk in righteousness, vous ne pouvez pas marcher dans la justice except that you have faith, sauf si vous avez la foi. Which means, ce qui signifie you are faithful to the Lord. Vous êtes fidèle au Seigneur. Faithful means, fidèle signifie you cannot break the covenant. Vous ne pouvez pas briser l'alliance. You cannot dare. Nous ne pouvons pas avoir l'audace. Faithful means, fidèle signifie you trust so much your treasure. Vous faites tellement confiance à votre trésor. You understand? Vous comprenez? For me, you know what? Pour moi, vous savez quoi? I cannot do all those things because je ne peux pas faire toutes ces choses parce que j'aime le Seigneur tellement que je veux rester fidèle. You understand? Vous comprenez? So, the only thing that the church needs to restore today, la seule chose que l'Église a besoin de restaurer aujourd'hui, what she needs to restore today is faith. Ce qu'elle a besoin de restaurer aujourd'hui, c'est la foi. Because Jesus came. Parce que Jésus est venu. Jesus came to Calvary. Jésus est venu au calvaire. At the cross, à la croix. To restore that which was lost at the Garden of Eden. Pour restaurer ce qui a été perdu au jardin d'Éden. And we found, et nous avons trouvé that because they walked in the cool of the day with the Lord, parce qu'ils marchaient dans la fraîcheur du jour avec le Seigneur, they must have been righteous. Ils devaient être justes before the fall, avant la chute, because the Lord, he is righteous. Parce que le Seigneur est juste. But when they fell, mais quand ils sont tombés, and if there's anything they lost, et s'il y a quelque chose qu'ils ont perdu, that cast them out of God's presence, qu'ils les ont chassés hors de la présence de Dieu at the Garden of Eden, au jardin d'Éden, then it was righteousness. Alors, c'était la justice. And since we have seen et depuis que nous avons vu that only faithfulness que seule la fidélité can yield righteousness peut amener la justice, then that means they lost righteousness. Ce qui signifie qu'ils ont perdu la justice. And when Jesus comes in John chapter 3, et quand Jésus est venu dans Jean chapitre 3, verse 16, le verset 16, to restore that which was lost at Calvary, pour restaurer ce qui avait été perdu, we see the first thing he restores is faith. Alors nous voyons que la première chose qu'il a restaurée, c'est la foi. That whoever believes in him, que qui que ce soit qui croit en lui, that whoever relies on him, qui que ce soit qui s'appuie sur lui, that whoever depends on him, que quiconque dépend de lui, that whoever clings on him, quiconque s'accroche à lui, holds steadfast, se tient fermement, shall not perish, ne périra pas, be destroyed, ne sera pas détruit or lost, ou perdu, but inherit eternal everlasting life with him, mais héritera la vie éternelle avec lui. So when Jesus brought back righteousness, alors quand Jésus a ramené la justice, he clothed it in faith, il l'a vêtu de foi. Faith is the carrier of the righteousness of Jehovah. La foi est le porteur de la justice de Jéhovah. Shalom, the Lord bless you. Shalom, que le Seigneur vous bénisse.